Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. On veut se payer une bonne bouffe, l'endroit idéal, le restaurant Midas. Les hot dogs, la pizza font le délice de tous. Le restaurant Midas, c'est l'endroit préféré des camionneurs. Menu familial offert, service rapide, personnel et courtois. Restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Tout le personnel et la direction du restaurant Midas tient à féliciter les organisateurs des régates de Saint-Félicien. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. En fin de semaine, c'est la 13e édition des régates de Saint-Félicien. Ça va se dérouler évidemment à Saint-Félicien. Hier, on a reçu le président des régates, Régent Côté, pour parler de cette 13e édition, et Régent Côté nous parle à quoi s'attendre. On a tout d'abord dans la ligne HRL, le nombre de bateaux sont limités, fait qu'on peut dire qu'ils sont, tous ceux qui peuvent être ici vont être présents, donc on a l'ensemble possible d'avoir dans les bateaux de compétition, les hydroplanes. Et puis, on a grossi aussi à partir de l'exposition le vendredi soir. Si on commence par le début, ben, on a fait affaire avec un promoteur Easy Québec qui va nous présenter des nouvelles voitures qu'on n'a pas dans la région. Ils peuvent arriver avec des Bigfoot, ils peuvent arriver un petit peu avec toutes sortes de véhicules de performance dans chacun de catégories. Et puis, on s'attend à voir du nouveau qui va nous porter vers quelque chose de merveilleux et de nouveau. Les régates de Saint-Félicien sont vues par les équipes et également les autres organisations communes des plus belles endroits pour l'organisation des courses de bateaux. Je dirais qu'on a les meilleures installations selon la HRL, qu'on peut dire qu'on se distingue de partout dans le monde pour avoir la meilleure rivière. Les meilleures installations, on leur facilite toute la tâche partout. On sait qu'on leur fait un camping avec des navettes, se rendre sur les lieux. Donc, pour eux autres, c'est un must. C'est le nec plus ultra de venir ici à Saint-Félicien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous ont nommés. Et en terminant, Régent Côté mentionne évidemment qu'au niveau des équipes locales, c'est difficile d'avoir des équipes. C'est difficile. Ouais. On sait, les plus près sont à partir de Valleyfield, Montréal. Et puis, c'est beaucoup américain, si on veut, sur les limites américaines. De partir quelqu'un ici, tout de suite en partant, il faudrait comme leur imposer 30 000 de dépenses supplémentaires pour chambrer, pour voyager, etc. Puis de s'acheter un équipement neuf et faire partie de l'équipe, c'est quand même des coûts onéreux. On l'a essayé par le passé. Et puis, ça n'avait pas conclu final. Donc, on a toujours espérance que. Mais pour cette année, c'est sûr que non, on n'a pas personne qui s'est noyé. OK. Nom de golf, maintenant, le directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel Lallemand, a réussi un trou d'un coup lors du trou numéro 6 qui se déroulait récemment lors de l'ouverture qui a lieu à Chibougamau. Maintenant, à noter hier qu'il y avait l'Omnium Senior Régional qui se déroulait à Dolbeau-Missassini sur les allées du club de golf de Dolbeau-Missassini. Et Jacques Besson du club de golf de Dolbeau-Missassini a réussi un pointage brut de 76 pour remporter la victoire dans la classe 70-74 ans. Également dans la classe 75 ans et plus, Marcel Tremblay de Dolbeau-Missassini et Georges Dufour ont réussi un pointage. Donc Marcel Tremblay qui a réussi un pointage de 86. Classe 60-64 ans, Marco Terrien de Dolbeau-Missassini, 77. Meilleur net Dolbeau-Missassini, c'est également Marco Terrien avec un pointage de 71. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Stéphane Labeau qui commente les récents mouvements de personnel chez Canadiens de Montréal. Également, vous pouvez écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec le président des régates de Saint-Félicien, Régent Côté, et d'autres entrevues dans le sport local et régional. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.